Je salue chaque frère, chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila ndugu na kila dada mjina Yesu Kristo. Le Seigneur aime toujours qu'on le loue avec beaucoup de joie. Bwana anapenda kumtukuza na furaha mingi. La joie est un signe des gens qui sont déjà sauvés. Furaha ni alama kunesema bantu wanisha kumbolewa. Et même le Seigneur lui-même descend dans la louange. Ata Bwana mwenye anashukaka ni musifa. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana Mungu atukuze jua ile. Je voulais vous annoncer ceci. Nilipenda kumtangazia hivi. J'étais très embrouillé. Nilikuwa mwenye kuvurushwa sana. Je pensais que j'avais encore beaucoup de temps pour venir vous annoncer cela. Niwazasema niko na wakati tena mingi ya kumtangazia ile. Mais ce matin ici, je me suis réveillé, j'ai posé la question à ma femme, quelle était la date. Asubuhi leo nilamka na mwanza bibi yangu kusema leo ni shukani. Effectivement, elle m'a dit qu'elle connaissait le 9. Alisema ilikuwa le 9. J'ai deux mariages, c'est moi ici à célébrer. Niko na mandoa mbiri imwenji. Il y a Michel qui se marie à Kinshasa le 20 septembre. Kuku nduku Michel mtoke pasteur kunaiju ena unga ndoa le 20 septembre ya imwenji ku Kinshasa. Il y a Michel qui se marie ici le 28. Na fwe Michel eko na unga ndoa umu le 28. Je suis en train de combiner les deux pour voir ce que je veux faire. Niku nangaria pabili biwiri kini mitafanya. J'ai résolu. Na amili bewa mpango. Comme aujourd'hui nous sommes le 9. Saivi leo ni le 9. Donc il me reste presque une semaine et demie. Kuna mbakia tu juma mwana kipande. Parce que je devais prendre l'avion le 15. Nipashi kubeba ndeke le 15. Alors j'ai appelé un frère à Lumbashi pour qu'il m'achète les deux billets, mon billet et celui de mon épouse. Il est en document à Kulumbashi, je vais ma billet mbigi à Kuzafiri na ya mie na bibi yangu. Je suis obligé de partir à Kinshasa le lundi. Ninapasha kwenda mkajimoya Kinshasa. Et dimanche on célèbre le mariage le 20. Na dimanche kuna kundoa ile karamu. Et le 26, je serai obligé de retourner ici pour le mariage de Michel. Na le 26, mimi napasha kurudi huko njoo ndoa ya ndugu Michel. Mais mon épouse va rester à Kinshasa. Lakini bibi yangu atabakia kule kwanja. Pour consommer ce jour. Njoo aishi mashiku yake. Je paye seulement un billet aller-retour de d'une semaine. Nigen doza tu billet moya ya aller-retour ya juma moya. Et celui de mon épouse d'un mois. Na ya bibi yangu ya mwiji moye. Alors c'est une chose, j'avais oublié de le signaler dimanche. Nilisabaka kumsignaler siku ya juma. Et je voulais le faire en semaine. Na nipenda nifanye kadiri ya juma. C'est probable que vendredi que j'aille à Lumbashi. Inawezekana vendredi niende Lumbashi. Parce qu'il y a quelques tests qu'on doit faire avant le voyage. Njuku kuma test kidogo bipimo tunaweza kufanya mbele ya kusafiri. Alors, si je voyage vendredi, comme Amina voyage vendredi, je serai obligé de suspendre la prédication. Parce que je ne saurais pas combiner les deux. Je m'istaweza kubeba vyote viwili. Na ile mwazo ya ndo ya voyage. Et me concentrer aussi pour la prédication. Na kujifunga tena juu ya mahubiri. À ce moment-là, je serai obligé d'arrêter vendredi. Nitakuwa na mapasha kushimamisha vendredi. Pour donner la chair à l'ancien. Njoo pachia mimbari. Et je reprendrai la chair de mon retour de Kinshasa, si c'est la volonté du Seigneur. Na nitabeba mimbari mkurudia Kinshasa kama ni mapenzi ya Mungu. C'est ce que j'avais à vous annoncer. Njo ile ni kwa nayo ya kumtangazia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Priez pour nous. Utuombe. Le voyage, c'est toujours quelque chose de compliqué. Sa soirée, il ne kalaka pas ya mambo. Il y a des imprévus dans le voyage. Kubitu venya tukutayarisha venezo fika msafari. Mais avec Dieu, tout est possible. Lakini na Mungu yote inawezekana. Que le Seigneur vous bénisse. Bon amour, Andari. Devons-nous pour la lecture de la parole. Ushimame, nja usomi aneno. Unitembeze, Bwana. Parce que tu nous as encore rassemblés ce soir pour écouter ta parole. Nous sommes ton peuple que tu as aimé depuis l'éternité. Et tu as fait tous les plans pour que nous soyons les participants de ces beaux plans. Et nous comprenons que sans toi, votre plan ne peut jamais se réaliser. Parce que nous sommes une partie de toi. Maintenant, descends, Père, et parle-nous. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de changer nos vies. Nous avons besoin d'être de véritables chrétiens. Nous avons des problèmes. Des fois, nous agissons comme des mondains. Comme des gens à qui tu n'as jamais parlé. Parce que nous voulons suivre le cours de la vie. Et imiter le monde. Et pour cela, nous te demandons pardon. Nous invitons le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que tu nous as promis. Et tu as dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Bénis les frères et les sœurs. Bénis cette petite église. Seigneur, c'est ton peuple. Il y a des faiblesses en elle. Mais ton sang purificateur est capable de la perfectionner. Souviens-toi de malades. En particulier notre sœur qui est encore dans la réanimation, la sœur Louise. Seigneur, c'est toi le grand médecin. Merci Père. Conduis-nous du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. 1 Timothée au chapitre 6. Timothée au Kwanza, il fait qu'à cita. Dans son verset 6. Mon moustaka qui a cita. Nous commençons par là. L'Anzi a parlé. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Kwa hivi ni chemchemu ya utawa na furaha. En effet, c'est en effet. Ni mkuangaria. Une grande source de gain. Chemchemu munene ya mapato. Que la piété avec le contentement. Utawa na furaha. Avec satisfaction. Na furaha. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Wani atukulese kitu atakimwa mwidunia. Et il est évident que nous n'en pouvons rien en emporter. Na ni vile vile atuwezi kutoka mwana kintu. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, kama tubasi tuna chakula na mavazi, cela nous suffira. Ile inetuenea. Mais ceux qui veulent s'enrichir, lakini bali wanapenda kutajirika, tombent dans la tentation, beko nanguka majaribu, dans le piège, miteko, et dans beaucoup de désirs insensés, na mumatama ya mingi ya upumbafu, et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, na kupotea inaingisha bantu mubuchafu, dans la ruine, mkuharibifu, et la perdition, na kupotea. Car l'amour de l'argent est une source de tous les maux. Lakini mapendo ya fedha ni chemchemu ya vitu vibaya vyote. Et quelques-uns en étant possédés, bengine mkuishika, quelques-uns après avoir eu cet argent, bengine kisha bokupata ile fedha, se sont égarés loin de la foi. Barienda mbari na imani. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Na barijitupa bobenyewe ma mateso ya mingi. Pour soi, homme de Dieu, wako we mtu wa Mungu, fuis ces choses, kimbia ibi bintu, et recherche la justice, na tafutisha uwaki, la piété, tawa, la foi, imani, l'amour, mapendo, la patience, umilivu, la douceur, na upole. Que le Seigneur ajoute la bénédiction. Wana Mungu engeze baraka. À la lecture de sa parole. Somi wa neno lake. Nous vous disons tout ce temps que tunaniambia hii wakati yote ya kusema. Quand la prospérité arrive dans la vie d'un homme, d'un couple, d'une église, d'une nation, wakati maendeleo inafika mujamaa wala mtaifa, quand le bien matériel afflue dans la maison d'un homme, dans son foyer, dans l'église, comme dans la nation, kama bitu vinayala mkanisa mujamaa wala mtaifa moya, souvent c'est ça le moment où les gens tombent dans la folie. Mara mingi jo wakati bantu wanangukaka mbazimu. Ils abandonnent Dieu pour servir Satan. Manacha Mungu jo kutumikia shetani. Et ils se plongent dans le péché de tout genre. Na baningia mazambi ya kila aina. Quand quelqu'un commence à tomber, wakati mtu ananza kuanguka, les anges de Satan ne descendront pas, ne sortiront pas de l'abîme. Hakuna ba shetani, ba malaika ya shetani watatoka mgiena. Pour commencer à crier partout et dire, chakulamika fashi yote na kusema, nous sommes venus pour accueillir Monsieur Ngoi. Tunakuwa kumupokelea nduku Ngoi. Ou les anges du ciel ne trompeteront pas pour dire, maintenant tu commences à tomber. Wala malaika kumbingu wabata kuya njua kupika parapanda kusema unanza kuanguka. Ça se passe dans la simplicité. Inapitaka mupole. De telle manière que même kusema, celui qui a déjà abandonné la parole, ata mwenye ulanisha kuacha neno, celui qui sert Satan, ule mwenye atumikia shetani, se croit toujours être debout. Ataanza kujizania paka mwenye kushimama. Il se croit toujours être dans la vérité. Ataanza kujizania kusema yuko paka mukweli. C'est vrai. Bia kweli. Vous remarquez que celui qui tombe tangakishita mzuri ule mwenye nanguka dans le péché. Muzambi. Et celui qui abandonne Dieu na ule mwenye kunacha Mungu ne considère plus les avertissements de la parole. Aitanza tena kuangalishisha maoka na mwisho wa neno. Peu importe ce que Dieu dit. Ata aizuru bile Mungu atasema. Il n'en tient pas compte. Ashtangaria. Pourquoi? Juanin. Parce qu'il est habité maintenant par de mauvais esprits. Marom chafu inesha mukala. Qui le conduisent à la perdition. Ikuna mongoza kupotevu. Et qui l'encourage en disant. Na ina mtia nguvu mkusema. Que tu es en ordre avec Dieu. Comme nous savons à Mungu. Ce n'est pas un problème. Akuna mambo. C'est seulement les gens qui ne te comprennent pas. Ipaka tu batu jua bakuelewe. C'est par jalousie. Kwa bwivu tu. Que les gens parlent de cette manière. Bantu yoko nasema mui namna. Et ce démon. Na ile mademon. L'encourage dans son cœur et dans son esprit. Kuna mtia nguvu moyo yake. Il a toujours raison dans ce qu'il fait. Yakusema iko na halali tu mbiote kunafanya. Même si tu lui dis. Ataka mwana mwambia. Et tu lui lis noir sur blanc la parole de Dieu. Na unamsemea wazi, unamsomea wazi wazi. La parole de Dieu dit ça. Unasema neno la Mungu nasema hivi. Et le prophète dit ça. Na nabii anasema hivi. Mais regarde ce que toi tu fais. Na angalisha sasa bile wewe unafanya. Mais les démons qui sont en elle. Ile mademona iko ndani yake. Dans cette personne. Na ule mtu. Lui donne une mauvaise compréhension de cette écriture. Itamupa kuelewa kubaya kwa ile andiko. Comprendre correctement la parole de Dieu, il faut être habité par les esprits saints. Il n'a pas eu Rome takatif ou chez Kala Mondaniako. Lorsque l'esprit saint t'habite, wakati Rome takatif ou inekala Mondaniako, alors tu comprendras sainement et correctement ce que Dieu dit. Uta elewa muzuri muzuri bile Mungu unasema na utakatifu. La richesse n'est pas en soi une bonne chose, une mauvaise chose. Tajiri kwa kuangalia haina kitu kibaya. Mais c'est l'utilisation de cette richesse. Lakini ni namna ya kutumia ile utajiri qui cause un problème. Jo iko na leta mambo. Le Dieu qui nous a créés, Mungu mwenye alitumba. Et qui connaît chaque homme sur cette terre. Na anajua kila mtu pa hii dunia. Qui connaît de quoi tu es formé. Anajua uliumbwa na nini. C'est lui qui a consigné ces choses. Ye mwenye aliandika hii vitu. Il dit, il est difficile. Anasema iko nguvu kabisa. À ceux qui se confient dans les richesses matérielles. Kubale manatumainia mutajiri yabo ya kimwili. D'entrer dans le royaume de Dieu. Ya kuingia mfalme wa mbingu. Ce n'est pas un prédicateur. Aina mhubiri akisema ile mambo. Ce n'est pas un prophète. Aina nabii. Ce sont des paroles qui sont sorties de Dieu lui-même. Ni masauti ikitoka mkinywa ya Mungu ye mwenyewe. Donc, à un riche qui se confie dans ses biens, sema mtajiri mwenyewe anatumainia mtajiri. Qui voudra entrer dans le royaume. Tapenda kuingia mfalme. Il est semblable à une vache. Anafanana na ngombe. Qui veut passer par les trous d'une aiguille. Ule anapenda apitie pantundu ya shindano. Pas de langage, ce sont les termes de Dieu lui-même. Hii ni masauti ya Mungu yeye mwenyewe misemo. Si un homme normal. Sa mtu kama iko tu akichwa kwenye anga. Il peut comprendre. Anaweza kuelewa. Est-ce qu'une vache. Ngombe tu. Peut-il traverser les trous d'une aiguille. Anezi kupita pa kantundu ya shindano. C'est pratiquement impossible. Ni kintu kia kushindakana. Regardez quand Paul parle ici. Mangarishishie mwakati Paulo kunasema hapa. Il tient compte de la foi. Ana simamia pa imani. Il dit ana, quelques-uns bengine en étant possédé, benye bale bali shika, se sont égarés loin de la foi. Barienda mbari na imani. Et après qu'ils se soient égarés loin de la foi, na kisha boku na mbari na imani, ils se sont jetés eux-mêmes dans le tourment. Bariji tupa bobenyewe momangaiko. La richesse mondaine, tajiri ya dunia, la prospérité matérielle, kuendelea kwa kifedha kwa vitu, ne doit pas être une grande préoccupation d'un chrétien. Ayezi kuwa ngaiko mkubwa ya Mkristo. Ça ne doit pas être une grande préoccupation d'un chrétien. Ça ne doit pas être une grande préoccupation de l'Église. Il y a des choses plus meilleures qui nous attendent. Des choses éternelles. Des choses durables. Des choses profitables. Mais ce que nous avons sur la terre, la kini bitu kuna bepa dunia, et nous profite en rien. Atufaidia takitu. Vous voyez, frère. Munaona nduku. C'est pourquoi c'est une leçon. Joko amana ni mafundisho. Que nous recevons dans la vie d'Israël. Itunapokea maisha Israel. Et vous remarquez que beaucoup de riches. Na mutona kusema batachiki ba mingi. Même dans le monde, atamdunia, ceux qui sont l'auteur de toutes les folies, ni bo jobanzishi ya ebazimu yote, ce sont les riches, ni batajiri, et les biens matériels, na mabizugi ya kifeza, l'argent, ta mfeza, même quand ça floue dans l'église, ataka menayala mkanisa. On commence à voir des choses désagréables. Une église avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas bien. Quand les gens qui ont beaucoup de moyens entrent dans l'église, cette église-là tombera certainement. Et Kambov Tabernacle ne fait pas exception. Kambov Tabernacle est à Tchani. Aïe, et tout le monde doit remplacer le frère. Tu peux le remplacer. Vous voyez, frère. Non, non, non. Nous devons être prudents. Quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, c'est simple. Biko biepesi. Les insensés méprisent la sagesse de Dieu. Mais quand les choses commencent maintenant à se matérialiser, ça devient maintenant grave. Frère, je vous dis ceci. Même pour cette église ici, nous disons au Seigneur, donne-nous seulement l'argent qui nous est utile pour l'avancement spirituel de cette église, un point et un trait. Et même dans ma prière, j'ai prié, j'ai dit, donne seulement aux frères l'argent nécessaire pour les garder dans la foi. C'est tout. Ata maombi yangu niko naomba Mungu akaburie banduku paka makuta kubasaidia kubachunga mwema. Et dans les besoins que Dieu nous donne l'argent. Wakati kanisa inahitaji. Mungu. Quand l'église a un besoin. Wakati kanisa inahitaji. Comme si nous sommes l'église de Dieu. Sasa tu kanisa ya Bwana. Nous donne l'argent. Atukarie pesa. Pour ces besoins là. Dieu ile mambo. C'est fini. Na ile inaishia pale. Aujourd'hui. Leo hii. Pour parler même dans l'église du message. Atam makanisa mjumbe. Nos églises sont pleines, sont tombées dans la mondanité. Makanisa yetu inaanguka mukidunia. Il y a beaucoup de fausses choses. Kuna kwa bitu mingi ya bongo. Qui se font au milieu des églises de message. Bienye kufanyika makanisa ujumbe. Qui sont pires que chez les dénominationnels. Bienye kwa bibaya kupita na kumazebu. Pourquoi Dieu a mis l'argent? Faisa. A commencer par les femmes et les enfants des pasteurs. Kwanzia kubabibi na batoto ya bapasteur. Aujourd'hui, les gens qui détruisent les messages, ce ne sont pas les simples brebis, ce sont les croyants, ce sont les enfants des pasteurs. Leo benye kuharibisha ujumbe. Ce sont les enfants des diacres. Ni batoto ya bashemasi na batoto ya bachungaji. Munaona. Nous sommes devenus comme Samson au temps de la vieillesse. Tunakuya sawa Samson mwakati ya mzewa. Les femmes ont attendu Samson au temps de la vieillesse pour le plonger dans l'idolâtrie. Salomo plutôt. Banamuke bari muchunga Salomo akome azeeke juba mtumbukishe mu kuabudu masanamu. Comme nous l'avions montré autrefois. Vile tulimeonyeshaka zamani. Des fois nous nous plaisons, nous glorifions, nous sommes devenus nombreux, frère, l'église a grandi. Frère, ce n'est pas ce que Dieu compte. Hein. Dieu compte la qualité des membres, Dieu ne compte pas le nombre. Nous pouvons détruire cette assemblée ici, construire encore une autre. Mais si il y a toutes sortes de péchés au milieu de nous, ça devient des vomissures devant le Seigneur. Je viens de parler de dénomination. Zebu. Mais si les mêmes bêtises qui sont dans la dénomination se trouvent au milieu de nous, ça sera pour pas les messages. Mazebu, on a katikati yetu, njo mujumbe ile, hapana. Quand l'argent a afflué dans nos tabernacles de nous qui croyons le message, wakati feza iliala mu tabernacle yetu shita mimi. Satan est entré. Shetani aringia. Et aujourd'hui, na leo hii, plus de différence entre les dénominations katikati ya mazebu et même nous. Na shie. Il n'y a que quelques individus qui ont fait l'expérience avec Dieu, bali wafanya onjo na Bwana, qui tiennent benye kushimama. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Que tu le veuilles ou pas, mais c'est la vérité. Upende au katale njo kweli. Qu'est-ce que c'est? Ni nini ile? L'argent a floué dans nos assemblées. Makute na kwa mingi makanisa yetu. Je me souviens. Minakumbuka. Quand on adorait dans les foyers. Wakati tulianza kuabudia mu manyumba. Nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Atukukuya kile tunakuwa leo. Quand on avait des petites églises, wakati kwa natuma kanisa tuloko, nous les prédicateurs, sheba ubiri, une seule paire de chaussures, kilato tukimoya, trois chemises, ma chemise tatu ya kubala, un seul pantalon moya tu, un seul singlet tu moya, on marchait à pied, tulianza kutembea la mikulu, avec une petite Bible, na kabiblia kaloko, kale ka Louis Segond, dans un petit sac. Mukasaki kamo kaloko. Il n'y avait pas toutes ces folies que nous voyons. Akukwe mama jimu yote tuko naona leo. Que nous voyons du côté des frères, du côté des sœurs. Tuko naona kubanduku na kubadada. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Les ténèbres font une grande pression sur l'église aujourd'hui. Magiza iko na songa nguvu sana kanisa leo. Et c'est même ce que Frère Branham me dit. Na ndio kile ndugu Branham iko na sema. Et aujourd'hui, sema leo, le péché fait pression sur les prédicateurs, sur les pasteurs, sur bachungaji, et les pasteurs ont lâché prise. Na bachungaji banachiria. C'est tout. Kunaisha. Trop de sagesse mondaine en dehors de la parole de Dieu. Hekima ya mingi ya kidunia inja mapenzi ya Mungu. Qui fait entrer de la mondanité du péché dans l'église. Ile inaingisha kidunia ndani ya kanisa. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini ninafika? L'argent. Feza. Les biens matériels. Bintu bya mili. On voilait notre face. Binajibiria uso yetu. Mais que Dieu nous aide. Lakini Mungu atusaidie. Nous devons garder la foi. Tunapasha kuchunga imani. La foi, imani, n'est pas basée aina yenye kuyengwa une quantité de biens matériels, non. Ba bwingi bwa bintu ya kimwili hapana. Quand nous avons cru, wakati tuliamini, Chacun espérait aller dans l'enlèvement. On chantait l'enlèvement. Aujourd'hui, Léo, les gens ne croient plus dans l'enlèvement. Même dans nos messages. C'est vrai, frère. L'argent, Feza, la prospérité maendeleo, matérielle, financière, corrompt toujours les gens. Inaribishaka kila mara bantu. Plonge toujours les gens dans le péché. Inatumbukizaka bantu kila mara muzambi. Quand quelqu'un a l'argent, wakati mutu yuko na makuta, il commence à justifier, ananza kuhesabia, les choses qu'il rejetait. Bintu ambayo anaanza kukatala. Il les justifie, ananza kubali kubihesabia yake. Parce que le monde fait une pression. Ju dunia iko na msonga. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Ce qui est arrivé à Israël. Kile kilifikiaka Israël. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ndio kile kilifikiaka Israël. Dans sa période de prospérité. Mwakati yake ya maendeleo. Israël. Israël. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Israël. Israël. Le peuple choisi de Dieu. Taifa yenye kuchakuliwa na Mungu. Israël. Israël. Le peuple béni de Dieu. Taifa yenye kubarikiwa na Mungu. Israël. Israël. L'adorateur du véritable Dieu vivant. Ba kuabudu Mungu wa biakweli. Israël. Israël. Celui qui avait des lois réelles, véritables. Sheria kweli ya ukweli. Pendant sa période de prospérité, wakati yake ya maendeleo, il abandonna Dieu. Aliachaka Mungu. Jérémie chapitre 2. Yeremia sura yake ya pili. Dans son verset, commençons verset 4. Tuanzie pa mstari ya 4. Vous pouvez aller jusqu'au verset 37. Dieu se plaint. Mutaendelea pa mstari wa 37. Dieu commence à se plaindre contre Israël. Mungu anaanza kunungunika yule ya Israël. Franga ina kintu kizuri frère, Mungu atusaidie. Tupate tu ya Bukari na ya kutimiza na hayo mabezoin yetu. L'argent n'est pas une bonne chose. Franka aina kitu kizuri. Que Dieu nous donne seulement ce qui est nécessaire. Mungu atupatie tu ya mafa pour notre manger. Dieu akuri ya kwetu. Pour notre vêtement. Na Dieu mavazi yetu. Et pour les besoins primaires de notre vie. Dieu ya mahitaji yetu ya maisha. Pour nous garder dans la foi. Dieu ipate kutuchunga muimani. Parce que c'est la foi qui est la chose la plus importante. Dieu ni imani yenye kwa kitu kya kabaila sana. Jérémie 2 verset. Jérémie 2 dans son verset 4. Mstari ya 4. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Sikiliza neno ya milele nyumba ya Yakobo. Et vous toutes familles de la maison d'Israël. Na mwe bote majama ya ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Ni ovu kani baba yenu barikuta ndani yangu juu wapate kwenda mbali na mie? Quelle question. Ulizo kani? Et c'est Dieu qui se pose, qui pose cette question à Israël. Nani Mungu yuko anauliza hiyo ulizo kwa Israël. C'est Dieu qui pose cette question. Ni Mungu yuko anauliza ku Israël. Dis-moi quelle est l'iniquité? Munioneshe ni uovu kani? Quel est mon péché? Ni dhambi kani? Quel est le faute, la faute que j'ai commis? Ni kosa kani limi lifanya? Quel est le mal que je vous ai fait? Ni bubaya kani nilifanishia? Pour m'abandonner. Dieu m'opate kuniache. Quel est le péché? Ni dhambi kani? Quel mal ai-je fait? Ni bubaya kani nilifanya? Quelle est l'erreur que vos pères ont trouvé en moi? Ni kosa kani baba yenu barikuta ndani yangu? Pour m'éloigner, pour s'éloigner de moi. Dieu m'opate kwenda mbali na mimi. C'est parce que je vous ai sorti de l'Égypte. Ni jutu nilimitosha ku Misri. Je vous ai protégé. Nilimikinga. J'ai partagé la mer Rouge. Nilikata bahari mwekunda. Je vous ai sécurisé contre les Égyptiens. Nilimikinga na bale batu ya kumisri. Je vous ai protégé dans le désert. Nilimikinga mujangwa. Je vous ai gardé en vie. Nilimichunga na bujima. Je vous ai nourri la manne du ciel. Niliminisha mana ya kumbingu. Vous avez bu l'eau du rocher. Mulikulia maji ya kumwamba. Je vous ai amené dans ce pays. Nilimileta mwinchi. Où coulait le miel? Mule mona teremuka maji ba sana. Chasse toutes les nations. Nilifukusha mataifa yote. Qui habitait ces contrées? Ilikuwa nikala pa ile fuashi. Pour que vous occupiez leur territoire. Du moins mpate kubeba ile fuashi yabo. C'est ça le mal que moi j'ai fait. Njo tukosa ile milifanya. C'est ça le mal que vos pères ont trouvé en moi. Njo tukosa ile baba yenu banona ndani yangu. Voilà maintenant qui s'éloigne de moi. Sasa angalia vile banenda mbali na mimi. Je vous pose à vous, Israël, et leurs enfants. Niko na miuliza mwe Israël batoto yabo. Quel est le mal? Bubaya kani? Quelle iniquité? Uovu kani? Quel péché vos pères ont trouvé en moi? Minzambi kani baba bayenu barikuta? Ndani yangu juu apate kuniachiria. Et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Juu ya kuenda pa vitu vya ovyo na bo wenyewe wapate kuwa watu ba ovyo. Moi le Dieu qui parle. Mimi Mungu niko nasema. Moi le Dieu qui bénit. Mimi Mungu mwenye kubariki. Moi le Dieu qui protège. Mimi Mungu na kalamu kukinga. Moi le Dieu qui parle. Mimi Mungu niko nasema. Moi le Dieu. Mimi Mungu. Qui donne. Analetaka. Qui donne la santé. Analetaka afya. Mais ils m'ont abandonné moi. Lakini baniacha mie. Ils sont allés vers des statues. Banenda kwa sanamu. Qui ne parle pas. Ila isemake. Il ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Il ne peut pas le protéger. Si le Dieu que vos pères embrassent peut le protéger, mais le Dieu des Égyptiens peut aussi le protéger contre mes jugements. Pourquoi Israël n'a pas compris cela? Pourquoi Israël? Pourquoi vos parents n'ont pas compris cela? Pourquoi vous ne comprenez pas cela? C'est ça le mal que j'ai fait. Donc vous bénir, c'est ça mon mal. Kumibariki, njue na kwa bubaya. Vous protéger, c'est ça mon péché. Kumikinga na kwa nzambi yangu. Vous m'abandonnez moi. Munanyacha mie. Votre bénédiction. Baraka yenu. Votre protection. Ukingo yenu. Votre Dieu. Mungu yenu. Vous allez vers les choses après les choses de néant. Munenda kubitu vya ovyo. Frère. Nduku. Ma soeur. Dada yangu. Pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi Israël l'a fait? Israël l'a fait vile? C'est l'ivresse de lait. Ni juu ya kulewa majiba. L'ivresse de lait. Kulevi wa majiba. A aveuglé Israël. Ilipofusha Israël. Souvent, moi-même, quand je lis ça, je dis. Même quand il parle. Ata vile Mungu unasema. C'est comme un enfant. Misa mtoto. Après sa naissance, kisha kuzalika, vous prenez soin de lui. Unamwangaikia. Vous faites tout ce qui a votre pouvoir. Unafanya pour le rendre heureux. Mufanya akuye wa eri. Il étudie. Anafunda. Vous la mariez à un homme sérieux. Unamwesha kwa mtu. Vous priez pour cet homme, pour cette femme-là, pour votre mtoto, fils. Mtoto wako mwanaume. Mais après qu'il soit béni, il commence à vous taxer des choses. Vous-même en tant qu'individu, tu seras content avec tous les sacrifices que tu as fait sur ton fils, mais parce qu'il est béni, et cette bénédiction-là qu'il a, c'est à cause de ta prière. C'est à cause de ton éducation. C'est à cause de tes multiples sacrifices. Tu dormais affamé pour qu'il étudie. Pour qu'il étudie. Tu dormais affamé pour la faire soigner. Qu'elle soit toujours en bonne santé. Tu dormais affamé. Tu te privais de beaucoup de choses. Pour qu'elle soit vêtue. Qu'elle se sente aussi une fille. Un garçon au milieu de ses amis. Tu as tout sacrifié. Mais il devient prospère, Sasa anakuwa na bintu anaendelea. Toi tu deviens sorcier. Pale wewe unakuwa mulozi. Cet enfant là, ule mtoto ule, te chasse de chez lui. Anakufukuza kunyumba yake. comme un chant. Sans imboa. Je ne sais pas ce que toi tu ressentiras dans ton cœur. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Si Dieu vit le haut, si Dieu comme je ne sais pas si vous comprenez cela. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Kukosa kushukuru haina kitu kizuri. Quelle iniquité vos pères uovukani baba baenu ont-ils trouvé en moi barikuta ndani pour s'éloigner de moi Dieu apate kwenda mbali na mimi et pour aller après les choses de néant un être est même que néant na bakuye bo benye batu bao ils n'ont pas dit abakusema où est l'Éternel wa milele kwa qui nous a fait monter du pays d'Égypte ula ritotosha qui nous a conduit dans le désert ula tongoza mujangwa dans une terre aride mpasha kukauka et plein de fosses yenye kuwa na manjimu mingi dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort fashi penye pana kauka dans une terre mubulongo par où personne ne passe mula kuna mtu kuna pita et où n'habite aucun homme mula kuikala ta mtu moya je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger nilimileta mwinchi yenye kufanana na shamba un champ arrosé na shamba voyez unaona à un verger na shamba ya kumwangia mai pour que vous en mangez les fruits je mupate kula matunda et les meilleures productions na matunda ya damani mais vous êtes venu sasa mnakuya et vous avez souillé mon pays na mnachafusha nchi yangu vous avez fait de mon héritage une abomination mnafanya urithi yangu na kama la bénédiction que je vous ai donnée baraka nilimipa vous l'avez souillé mnachafusha la bénédiction que je vous ai donnée baraka ambayo nilimipa vous l'avez rendu abominable mnaifanya na kuwa makufuru votre héritage urithi yenu mon héritage que je vous ai donné urithi ile nilimikaburia parce que l'héritage de Dieu juu urithi ya Mungu est notre héritage ni urithi yetu tena vous souillez cela sasa mnachafusha ile. Quand vous lisez ça, c'est avec douleur. C'est ce que Dieu ressent envers vous lorsque tu abandonnes sa parole. Quand tu n'avais rien, tu étais une femme gentille. Tu t'habillais décemment. Et tu as seulement un peu d'argent. Tu deviens orgueilleux. Tu commences à t'habiller indécemment comme une prostituée. Les choses que tu ne faisais pas. Les choses que tu condamnais. Tu commences à les apprécier. Vous brisez le cœur de l'Éternel. Quand tu avais un petit écran, tu ne permettais même pas tes enfants de suivre des films mondains. Aujourd'hui avec le plasma, maintenant vous laissez les enfants faire n'importe quoi. Ta femme suit n'importe quelle série. Ça ne te fait ni chaud ni froid. Tu dis, c'est leur affaire. Ce n'est pas leur affaire, c'est ton affaire. Vous payerez. Vous provoquez la jalousie de Dieu. Vous payerez. Et vous verrez ce que, après que Dieu ait dit ça à Israël, il a payé. Kisha Mungu kusema hivi kwa Israeli bariripaka. Mais ces choses ont été écrites pour notre instruction. Na hivi vitu viliandikiwa juu tupate ufundia. Ce n'est pas de la bonne musique que nous écoutons. Haina tuma muziki mzuri tunasikia. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Il y a le même pouvoir. Inakuwa na uwezo moya moya. Inakuwa na uwezo moya. Il y a la même action. Inakuwa na kutenda kwa moya. Au temps de Jérémie. Mwakati ya Yeremia. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. Mais vous êtes venu. Mais mlikuya. Et vous avez suivi mon pays. Na mnatafusha nchi yangu. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Na mnafanya urithi yangu inakuwa makufuru. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Bakuana bakusema wa milele iko wapi. Les prédicateurs. Bahubiri. Ne se sont pas posé la question. Abakujiuliza. Que dit Dieu? Mungu anasema nini? Mwi mambo. Quand le péché entre dans l'église, c'est toujours avec complicité des prédicateurs. Kila mara inekalaka iko na sukumwa zaidi na babiri. C'est toujours avec complicité des conducteurs de l'église. Na baongozi ba kanisa. Si les prédicateurs, Kamabaubiri, les pasteurs, Bachungaji, les anciens, Baze, et les diacres Nabashemaki, sont fermes dans la parole. Le péché n'entrera pas. Ceux qui ne sont pas des dieux quitteront l'église et l'église restera pure. Na kanisa tabakia safi. Mais s'il y a complicité dans les conducteurs, c'est eux qui polluent le péché, qui polluent l'église. Parce que les prédicateurs changeront de langage. Il ne faut pas dire ça. Il faut pas dire ça. Vous allez les sentiments des gens. Il faut pas dire ça. Vous allez chasser les gens. Vous allez les gens eux-mêmes. Dieu les aidera. Dieu va les aider comment si on ne prêche pas. Quel mensonge. Nous n'aimons pas forcer les gens. À tout pendeu casa banco. Comme la casa banco. Le légalisme. Ni macheria. Il est ni macheria. Moitié basuru. Rome t'a dit que peque qu'on a fagné. Ne vous mettez pas à la place du Saint-Esprit. A pana kwe pa fashi a Rome t'a dit. C'est un mensonge. Ni bia bongo. Faux enseignement. Ma fundisho ya bongo. On entend des bouches de prédicateurs. Il est on a chiqué mon bignon ya basuru. Le Saint-Esprit agit dans l'étole. Rome t'a dit qu'on a tenu. Le Saint-Esprit agit dans le ministère. Et qu'on a tumika au mauduma. Dieu n'a pas instauré le ministère pour qu'il reste muet en face du péché. Mungu ashikulamusha mahuduma juu ibakie kimya mbele ya dhambi. Sont de fausses doctrines. Ile ni mafundisho ya bongo. Le Saint-Esprit lui-même agira. Rome takatifu yake atatenda atatenda. Atasaidia watu. Ombe mubaombe. Et comprendront frère. Batashikia kanduku. Sont de doctrines de la nouvelle lumière. Ile ni mafundisho ya new light. Sont fatigués de ça, frère. Tu n'as choqué à l'élément bonduk. Mais ceux qui sont des dieux. La kini benyekwa mungu. Nous écoutons. Banatushikia. Toute sagesse en dehors de la parole n'est pas sagesse. Ekima yote inji ya neno ya mungu haina ekima. La sagesse en dehors de la parole est diabolique. Ekima inji ya neno ni ya shetani. Toute sagesse. Ekima yote. Qui conduit l'église dans le monde, dans la mondanité, dans le péché. C'est une sagesse du diable. Au muzambi ni ekima ya shetani. Chaque enseignement. Kila mafundisho. Qui conduit les gens dans le péché. Dans la légèreté, dans la mondanité. Mukidunia. C'est un enseignement satanique. Ni mafundisho ya shetani. La parole doit amener la crainte dans les gens. Neno inapaswa kuleta boka kubantu na heshima. C'est vrai. Ni kweli. Ce sont les sacrificateurs. Ni bakuani. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel. Abakusema Mungu eko wapi. Et les dépositaires de la loi. Na benye kushusha sheria. Les docteurs. Baalimu. Les sacrificateurs Bakuani, sont des pasteurs ni et des prédicateurs, Baubiri, les dépositaires de la loi bakuleta sheria, sont des docteurs ni ba mwalimu, et les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Abakunijua. Les pasteurs m'ont été infidèles. Et les prophètes ont prophétisé par Baal. Na banabi bari tabiri kupitia Baal. Sont allés après. Barienda kule. Après ceux qui ne sont d'aucun secours. Kwa Baal abawezi kuwasaidia. C'est toujours les conducteurs. Ni paka wa viongozi. Les prédicateurs sont des grands embrouilleurs. Anza kusema bahubiri ni banikalamu kuvuruka bintu sana. Quand lui est d'accord avec quelque chose, mais c'est faux. Kama yana kubali kitu fulani kiabongo. Il change de langage. Anabadisha msemeo. Comme ils ont les écritures. Sasa vile kuna miandiko. Sasa dribler les écritures. Anajua kugeuza miandiko. Et comme les gens font toujours confiance aux hommes de Dieu. Sasa vile watu wanatumainiaka watu wa Mungu. Ils sont séduits. Na banatongozwa. Le pasteur a dit. Mchungaji alisema. Tout ce que le pasteur dit. Kama kile pasteur anasema. N'est pas dans la parole de Dieu. Akina mneno ya Mungu. Tu n'es pas obligé de le faire. Au lazimisho kifanya. C'est pas dans cette église. Njoko wana mwikanisa. Je vous ai toujours dit. Na miambia kila mara. Si nous posons un acte qui n'est pas conforme à la Bible au message. Kama tunafanya kitu kile Nous le dit. Mais si c'est que nous vous enseignons, et le message est la Bible, pourquoi vous ne le faites pas? Vous vous révoltez pourquoi? Voyez frère. C'est pourquoi je m'en vais encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je vais contester avec vos enfants, avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. C'est l'ancien nom de Rome. Njonjina ya zamani ya Rome. Et regardez. Na wangarie. Envoyez quelqu'un à Kedar et observez bien. Na utume mtu ku Kedar na wangarie mzuri. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Na wangarie kama kuna kitu kya kufanana. Bile mko na fuane. Est-ce que biambatana na kanisa katoliki? Allez dans l'église catholique. Mwende ku kanisa katoliki. Allez chez les dénominationnels. Mwende ku mazebu. Et regardez ce que vous faites là. Na wangarie bile mko nafanya pale. Est-ce que ça se marie pas? Eti abina bine kuambatana. Y a-t-il une nation qui change de Dieu, c'est Dieu? Kuko mungu mwenyane kala. Y a-t-il une nation? Kunegala ka taifa. Qui change de Dieu? Ile nabadilishaka ba mungu yabo. Quoi qu'il ne soit pas de Dieu? Atavira ba ikalake ba miungu. Et mon peuple a changé sa gloire. Na taifa yangu ilibadilisha utukufu yake. Contre ce qui n'est d'aucun secours. Kuile yenye haiwezi kubasaidia. Ciel. Mambingu. Soyez étonnés de cela. Mushangai le mambo. Frémissez de pouvante d'horreur. Mushikwe na oga mkubwa. Milele na car mon peuple a commis un double péché. Ju taifa yangu inatenda dhambi mara abandonné. Bari niacha mie. Moi qui suis une source d'eau vive. Mi mwenye kuwa chemchemu ya mai sana. Pour se creuser des citernes. Ju ya kujichimburia bishima. Des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Ba bishima ya kutoboka yenye ichunge mai. Israël est-il un esclave acheté? Israël est-il ni mutumwa mwenye kuuzwa? Ou né dans la maison? Au mwenye kuzalika mnyumba? Pourquoi donc devient-il une proie? Ju ya nini sasa anakuya chakula? Vous écoutez le langage de Dieu? Eti mwana shikia kusema kwa Mungu? Ici il parle avec colère. Hapa kuna sema na kasirani. Il est très déçu. Eko mwenye kuhuzunika. Dieu déçu d'Israël. Mungu anahuzunikia Israël. Chaque fois que tu abandonnes Dieu, kila wakati unaacha Mungu, parce que tu as la bénédiction matérielle, tu unapata mali, tu déçois Dieu. Unamkosea Mungu. Et Dieu regrette, il se dit. Na Mungu anahuzunika anasema. Pourquoi ai-je donné? Je n'ai ni kaburia. C'est insensé. Baraka kwa huyu bumbafu huyu. Pourquoi l'ai-je protégé? Je n'ai ni mchunga. Pour avoir ces résultats. Dieu a mis kupata hivi niko naona. Pourquoi l'ai-je fait? Dieu a ni nifanya vile. Je regrette. Mungu anahuzunika. Il est écœuré. Anahuzunika. Qui a racheté Israël? La Bible dit. Biblia inasema. Dieu dit. Mungu anasema. Israël c'est mon fils. Israël ni mwana wangu. Dieu n'a pas racheté. Mungu ashukombola. Un esclave. Mutumwa. Non. Hapana. Dieu a racheté son fils. Mungu alikombola mtoto yake. Mikono. De l'oppresseur. Ya ule alianza kumuteswa. Il voulait que son fils soit libre. Alipenda mtoto yake akuwe huru. C'est pourquoi il dit. Ndio kama anasema. Je lui me pose la question. Mungu c'est comme un homme qui dirait. Je suis devenu fou. Nakuwa mwamashimo. Pour avoir racheté mon fils. Dieu a mis kukombola mtoto yangu. C'est avec un cœur brisé. Na roho ya kuvunjika. Israël. Israël. Est-il un esclave racheté? Est-il mutumwa mwenye kuuzwa? Israël n'était pas un esclave. Israël asikuwe mutumwa. Israël était le fils de Dieu. Israël alikuwa mtoto wa Mungu. Un esclave, racheté.